Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 38. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 28 mai 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es confetti de l'Empire colonial, tu es compagnie créole, tu es rhum arrangé, tu es tahitienne de Gauguin, tu es ukulélé et tu es aussi... Le journal de 13h. On pourrait pas plutôt le faire à 16h de l'après-midi? Ok. Non, parce que là, je... Vas-y, à tout à l'heure, hein. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es outre-mer, mais tu es en France, sous les tropiques. Il y a 10 ans, au printemps 1996, président Chirac a pris la décision de signer le traité international d'interdiction complète des essais nucléaires et donc de démanteler enfin son centre d'expérimentation sur les terres polynésiennes de la République. Alors pour célébrer cet anniversaire, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'enfiler un paréo et une paire de tongs pour aller faire un tour sous les tropiques. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle des possessions françaises d'outre-mer. Pour commencer, du bagne de Cayenne à la station spatiale de Kourou, il faut survoler l'histoire de la France du lointain. Ensuite, il faudra s'intéresser aux communautés d'outre-mer qui vivent aujourd'hui en métropole. On enchaînera justement sur une interview exclusive du comédien Pascal Légitimus qui viendra nous parler de ses origines antillaises. Et puis nous te dévoilerons les véritables raisons qui ont poussé Dominique de Villepin à se rendre sur l'île de la Réunion la semaine dernière. Et enfin, te raconter ce fabuleux voyage en Guadeloupe qu'ont effectué Monique et Jean-Claude il y a quelques années déjà. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et n'hésite pas, full zouk. Thank you. You Beloved. C'est ce que chante Bob Marley en 1980 sur son album Uprising. Uprising, ça veut dire soulèvement. Et des soulèvements d'esclaves, il y en a eu dans nos colonies d'outre-mer, comme en 1791 à Saint-Domingue. L'ancien esclave Toussaint Louverture y remporta plusieurs victoires avant l'abolition de l'esclavage par la Convention en 1794. Mais avec la proclamation de l'Empire et le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, Toussaint Louverture reprit la lutte contre les Français. Napoléon le fit capturer et l'enferma en France. Exquise perversité, l'Antillais Toussaint Louverture fut emprisonné au fort de Joux, dans le Jura, sans doute la région la plus froide de France, où il mourut quelques mois plus tard, de froid, bien sûr. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc aux possessions françaises entre les tropiques. Ces territoires sont les vestiges de l'immense empire colonial français. La France s'est en effet implantée entre outre-mer au XVIIe siècle et une des caractéristiques de ces îles tropicales, c'est d'avoir été en grande partie peuplée par des esclaves provenant de la traite négrière. Une histoire encore bien présente. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste et laid. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Ce pays s'appelait Afrique. Et le vieux nègre disait encore... Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle béquets. Les Noirs ont été déportés dans les îles françaises, principalement bien sûr pour servir de main d'œuvre dans les plantations. Les esclaves devaient cultiver du café dans l'île Bourbon, c'est-à-dire l'île de la Réunion, du tabac dans les Antilles, sans oublier, bien entendu, la canne à sucre. Le fer forgé, les esclaves enchaînés l'ont bien connu dans les plantations des territoires français d'outre-mer. Mais si l'esclavage a été définitivement aboli en 1848, les fers n'y ont pas pour autant disparu. En effet, on les retrouvait au pied de ceux dont la métropole voulait se débarrasser. Prisonniers, à partir de maintenant, vous êtes sous les lois spéciales de l'administration pénitentiaire de la Guyane française. Lorsque vous aurez fini de purger votre peine, ceux d'entre vous qui ont été condamnés à 8 ans ou plus resteront en Guyane comme travailleurs libres, et ceci pour une période équivalente à la période de leur condamnation. Quant à la France, dites-vous qu'elle s'est débarrassée de vous. La France ne veut plus entendre parler de vous, elle vous a renié. Le système pénitentiaire de la Guyane fut définitivement aboli en 1946. C'est donc en 1946 que le bagne fut aboli. C'est aussi en 1946 que nos territoires lointains connaissent un nouveau statut. En 1946 est donc créé le statut de DOM, c'est-à-dire de département d'outre-mer. Il s'agit des îles tropicales de la Guadeloupe et de la Martinique dans les Antilles, de la Réunion dans l'océan Indien, ainsi que de la Guyane, le plus grand département français sur le continent américain. Dans la zone intertropicale, on trouve aussi les TOM, les territoires d'outre-mer, à savoir la Polynésie française, Wallis et Futuna, et Mayotte. Le statut de Tom a disparu en 2003 lors d'une réforme constitutionnelle et a été remplacé par celui de collectivité d'outre-mer. Et puis, il y a l'atoll désolé de Clipperton au large du Mexique. Moins de 2 km², peuplé par des millions de crabes, des milliers d'oiseaux, mais aussi par des rats apparus après un naufrage. Clipperton est en voie de désertification, mais permet à la France de contrôler près de 500 000 km² de mer comme zone économique exclusive. Et oui, grâce à la richesse de ses possessions d'outre-mer, la France, c'est le 3e domaine maritime du monde, ce qui mérite bien de temps en temps une petite visite comme à La Réunion en octobre 1976. Et voici tout d'abord le journal de Patrice Berthe. Valéry Giscard d'Estaing au pays du sucre. Le Concorde présidentiel s'est posé il y a trois quarts d'heure à Saint-Denis de la Réunion. Des fleurs et des chansons attendaient le président Giscard d'Estaing ce matin à la Réunion. Des chansons vantant les mérites de papa Giscard ou ceux de tonton Michel. Il s'agit bien sûr de Michel Debrel, député de la Réunion. Le chef de l'État doit passer deux jours dans le département français le plus lointain. Il veut étudier sur le terrain les problèmes économiques et sociaux. Je suis venu dans le plus lointain et le plus jeune département français vous apporter le salut affectueux de la métropole. C'est incroyable comme il articule bien, papa Giscard. Au-delà de l'intérêt géostratégique, les possessions françaises intertropicales ont des atouts indéniables. Tout d'abord, l'agriculture. Car où produirait-on des bananes ou du café ailleurs que dans nos îles tropicales, hein? En Creuse ou en Normandie peut-être. Bon, bien sûr, l'industrie n'est pas très représentée dans nos territoires du lointain, sauf à travers quelques réussites françaises, dont nous ne cessons de nous enorgueillir. Ariane, c'est un peu notre fierté nationale au-delà des mers, à nous, les Français. Mais les territoires d'outre-mer, c'est aussi le tourisme. Des paysages magnifiques, des plages de sable fin bordées de cocotiers, une mer aux couleurs enchanteresses. Nos îles tropicales, c'est le summum de l'exotisme aux confins de la nation où l'on rêve d'aller passer un été. Dis où t'as été cet été ? Moi j'étais à Tahiti. Si t'as été à Tahiti, c'est qui tu y as été à pied. J'ai pris ma moto, je l'ai mis sur mon dos et je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon vélo, j'ai dit va faire chaud et je suis parti pour Tahiti. Si t'as été à Tahiti, mais t'as payé les combattants. T'as payé les combattants. Il y a les combattants, combattants, combattants, combattants, combattants. Mais non, on peut aussi aller en avion à Tahiti. Et c'est tant mieux car un des points communs à nos territoires d'outre-mer, c'est bien sûr l'éloignement de la métropole. Mais bon, le principal apport de nos territoires outre-mer, c'est sans aucun doute le métissage. Car c'est bien connu, la plus belle couleur, c'est café. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Que j'aime ta couleur café. Couleur café, c'est ce qu'annonce Serge Gainsbourg en 1964. Couleur café, certes. Cela dit, à Tahiti, depuis 50 ans, c'est plutôt blanc comme neige pour Gaston Flosse, car le sénateur UMP de la Polynésie française a toujours su échapper par miracle aux foudres de la justice. Alors, pour continuer notre fabuleux périple sur les mers lointaines de la République, après avoir survolé l'histoire de la France d'outre-mer, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de s'intéresser quelques instants à nos compatriotes des Dom-Tom qui vivent en métropole aujourd'hui. Comme le dit si bien ce vieux proverbe créole, « Ipiti me caca igbo ». Il est petit, mais son caca est gros. Autrement dit, il faut se méfier des apparences. Et oui, contrairement à certaines idées reçues, nos amis des Dom-Tom ne sont pas des feignasses qui, soi-disant, passeraient leur journée à danser le zouk et à siroter du rhum sous les cocotiers. Non, en réalité, les populations d'outre-mer connaissent aujourd'hui une situation économique et sociale proche de la catastrophe. Les taux de chômage y sont vertigineux. 25% aux Antilles, 26% en Guyane et 32% à La Réunion, c'est énorme. Du coup, si tu veux avoir un emploi et gagner de l'argent, tu n'as guère le choix. Il faut venir travailler en métropole. C'est ainsi, par exemple, que la communauté antillaise compte à peu près 900 000 personnes installées aujourd'hui en France métropolitaine. Certains d'entre eux ont obtenu un concours de la fonction publique. Et donc, ils sont devenus agents de la poste, gardiens de la paix, ou encore... Il est 6h30. Joséphine, l'aide-soignante, prend son service à la clinique de l'hôpital Saint-André. Marie-Thérèse ! Oui ! Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu m'as encore d'accord ? Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu m'as encore la 106, c'est pas mon serviteur. C'est qui alors ? C'est le serviteur de Marie-Denise. T'appelles Marie-Denise ? Marie-Denise ! Et alors, c'est quoi le problème ? Ben, c'est la chambre 106, c'est pour toi. La chambre 106, c'est le chiffre père. Et pourquoi lui, là, il n'a pas appelé de la journée, il est en pleine forme ? Là, par exemple, c'est la chambre 208. Ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent qu'on vienne le voir urgemment. Voilà. Ah, ben là, ça clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. Tu l'as compris, quand ça clignote plus, c'est qu'il n'y a plus vraiment urgence. Cela dit, les populations d'outre-mer qui vivent en métropole n'ont pas toutes eu la chance, le privilège, de devenir fonctionnaires. Certains doivent malheureusement se contenter de petits boulots plus précaires, comme par exemple agent d'entretien à la RATP. Mais là encore, la vie se prend du bon côté. Il n'empêche que cette joie de vivre chez nos amis des Dom-Tom ne peut jamais leur faire oublier qu'être venus s'installer en métropole, c'est avant tout pour eux avoir fait un choix difficile, celui de quitter leur terre d'origine. Mais heureusement pour eux, quand la nostalgie est trop forte, ils ont l'opportunité de nos jours de pouvoir acheter en métropole des tas de produits qui permettent réellement de se souvenir de la douceur des îles. Tahiti douche, ça doit être fait pour la douche. Enfin, moi, je m'en sers sous la douche. C'est frais pour le corps, c'est doux pour la peau, ça mousse bien, enfin c'est agréable, tout, ça sent bon, c'est frais. C'est frais, mais j'ai beau me savonner comme un malade, j'entends pas du ukulélé, pas l'ombre du dvainé, pas de noix de coco, rien, je suis toujours dans ma douche. Tahiti douche, c'est pas un billet d'avion pour Tahiti, c'est pour la douche, point final. Eh oui, tous ces produits ne sont que des ersatz. Un gel douche, bien entendu, ce n'est pas Tahiti. En revanche, il arrive parfois, en métropole toujours, que nos amis des Dom-Tom puissent se réjouir pleinement d'importations authentiques de l'outre-mer. Et d'ailleurs, au passage, nous en profitons avec eux, comme par exemple en décembre 1998. Elle a 19 ans, de longs cheveux bruns, des yeux clairs, elle mesure 1m78. Maréva Galantier, Miss Tahiti, a été élue Miss France hier soir à Nancy et, disons-le tout net, est plutôt belle. Miss France 1999 et Miss Tahiti. À peine le temps d'essuyer ses larmes, la nouvelle Miss France est sous la pluie des flashs. Maréva Galantier a été découverte par Miss Tahiti 91. C'était un peu sur un coup de tête puisque je revenais de voyage et je me suis présentée comme ça. Mes amis m'ont encouragée, Maréva Georges beaucoup aussi m'a poussée à me présenter puisque je connaissais le monde du mannequinat et pas du tout le monde des Miss. Et maintenant que j'y suis, je ne suis pas déçue, je suis très heureuse. Maréva Galantier devrait passer Noël avec sa famille. Mais pour elle, le Père Noël est déjà descendu. Seulement voilà. Après le Père Noël, l'année suivante donc, pour éviter de sombrer dans l'oubli des Français, Miss Tahiti a fait des bêtises. Du coup, la communauté tahitienne de France fut peinée et surtout, Madame de Fontenay fut chiffon. En effet, Miss Tahiti, devenue Miss France, a posé dans quelques magazines coquins de la métropole et voilà comment tout ça s'est terminé. S'il y a quelqu'un qui n'a pas vu mes ananas, va qu'il le dise. Si vous n'en voulez pas, car vous ne tripotez pas la marchandise. Car entre nous, pas besoin de chicaner. C'est les plus beaux ananas de l'année. N'hésitez pas, ne faites pas d'embarras, tout le monde en aura. Ananas! Toujours est-il que les ananas de Miss Tahiti, Madame de Fontenay, elle, ne les a toujours pas digérés. Mais qu'importe, la communauté polynésienne de France fut très heureuse que Miss Tahiti soit élue Miss France. Car au bout du compte, nos chers compatriotes d'outre-mer qui vivent en métropole n'aspirent qu'à une seule chose, à nous faire découvrir et partager les charmes exceptionnels de leur terre d'origine. Tu me diras ? Il y a de quoi. Là-bas, il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées. Les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Il y a du souk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre. Mélanger citron vert et rhum Trois-Rivières. Alors, nous voici donc arrivés à la moitié de cette émission et pour élargir notre regard sur nos compatriotes d'outre-mer qui vivent en métropole, nous avons joint cette semaine au téléphone un inconnu, un de leurs plus sympathiques représentants, à savoir le comédien Pascal Légitimus. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé d'où venait-il exactement, réponse juste après le jingle. Alors, ma mère est arménienne et mon père est guadeloupéen d'originaire de Marie-Galante, en Guadeloupe. Pour la référence, Laurent Voulzy, c'est mon cousin, donc voilà, c'est le même sang, le même fief, les mêmes origines. Et les origines originelles, c'est l'Éthiopie, en Afrique. Et vous êtes arrivé en métropole à quel âge ? Alors moi, je suis arrivé par le ventre de ma mère, donc, mais à Paris, dans le 17e. Je suis né à Paris, moi. Est-ce que vous fréquentez la communauté antillaise à Paris ? Oui, de temps en temps, j'ai des copains, oui, entre les Tania Saint-Val, les Luc Saint-Éloi, bien sûr, j'ai plein de copains, on se débouffe, on se voit, on se parle, on s'échange nos idées, nos projets, bien sûr. Quand vous les voyez, est-ce que c'est un esprit très festif ou est-ce que ça a un rapport ? Oui, bien sûr, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour s'emmerder, comme on dit. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Il y a comme, c'est le propre de l'Antillais, c'est quand même, il est issu de l'esclavage, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. C'est vrai qu'il a besoin de s'échapper, et pour s'échapper, ça passe par la nourriture, par la fête, par le sport, la musique, et puis aussi l'aspect intellectuel aussi, on a des gens comme Chamoiseau, mais il y en a d'autres, évidemment, l'envie de s'élever aussi, c'est des gens qui veulent sortir de leurs conditions d'anciens esclaves, donc il y a une vraie volonté de représenter fièrement la communauté en travaillant, en faisant de la qualité, voilà. Alors, pour finir, vous êtes plutôt Saint-Barth ou Marie-Galante ? Marie-Galante à 4000%, bien dit, parce que Saint-Barth, c'est un peu pognon, un peu fric, puis j'ai l'impression de pas être chez moi. Marie-Galante, c'est typique. Voilà, c'est resté encore dans les années 1900. Il y a un aspect touristique qui est très protégé. Les gens sont gentils. C'est pas la même vibration. Marie-Galante, c'est tranquille, détendu, comme on dit. Vous êtes plutôt Joey Starr ou Compagnie Créole ? Compagnie Créole. Moi, je suis très passéiste. Vous êtes plutôt Marius Trésor ou Lilian Thuram ? Marius Thuram. Pas mal. Vous êtes plutôt mer des Caraïbes ou océan Atlantique ? Mer des Caraïbes. Pourquoi ? C'est moins agité. Et enfin, vous êtes plutôt Rome ou Accra ? Je suis plutôt Rome. Ah bon ? Ouais, je ne bois pas, mais l'odeur du rhum, j'aime beaucoup. C'était Pascal Légitimus, c'était En panique au Mangin Palace. Point. Moi-même, une famille qui on jote, on sort en moins à fille à sorte. Dans qu'à garder sa capacité, ni des mouns pour nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. On paquette pour le canne mort pour mer, même si qu'est aïe au vin en mer. Montez à rien, c'est bon des frères, on gagne trop par et c'est longtemps. Passer des mairies en héritage. Les hommes bien qui chômage, on fait si l'argent qu'à gagner, en qu'à garder les hommes qu'à bon danser. Mais moi-même, famille qui ont dot, on sort en moins à vie à sort, dans qu'à garder ça qu'à passer, ni des mouns pour nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Je n'ai qu'à Spani à rien pour yo, et qu'à yo même pour café bayo, c'est fait si n'a pas critiqué. Pendant yoga, regardez-y. Mais si pye yute patinite Karibiyan nan pa yon ki pale angle An ka di sa yon sa serye De moun wè Mwen mèm pa meye ki yon dot Mwen sa ban mwen an fi azot Nan ka gade sa ka pase Ni de moun fon pou suiv pou krim kont la gwa Crime contre la Guadeloupe, c'est ce que chante cette année le groupe Soft. Remarque, cette année, ils avaient le choix. Avec la gestion calamiteuse de la crise sanitaire du chikungunya, ils auraient tout aussi bien pu chanter Crime contre la Réunion. Alors justement, pour poursuivre notre voyage au cœur de nos territoires outre-mer, il est temps maintenant, à 11h31, de te dévoiler en exclusivité les véritables raisons qui ont poussé Dominique de Villepin à se rendre sur l'île de la Réunion la semaine dernière. À l'origine, chacun croyait qu'il s'agissait, pour le Premier ministre, d'aller faire le point sur l'épidémie de chikungunya qui a frappé l'île ces derniers mois. Mais en réalité, l'objet du voyage outre-mer fut tout autre. Dans cet avion qui le conduisait jusqu'à Saint-Denis de la Réunion, Dominique avoua à ses plus proches collaborateurs qu'il était profondément meurtri par toutes ces affaires d'État et qu'il avait pris une grave décision, celle de se retirer de la vie politique. Ainsi, il ne rentrerait pas avec eux à Paris. Oui, tel Robinson, il resterait seul sur l'île de la Réunion. Ce fut l'effroi dans l'entourage du Premier ministre. Les plus intimes tentèrent de convaincre Dominique de revenir sur sa décision. La France, y compris celle de l'outre-mer, a besoin de lui. Mais non, pour De Villepin, il n'y a plus d'autre voie à suivre que celle initiée par Jospin. D'ailleurs, quelques minutes avant l'atterrissage, Dominique a fait remarquer à ses collaborateurs que Jospin, lui, maintenant... Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo, son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Il verra toujours bien dans sa peau, quand il prend ce tempo. Sur des bambous et ses numéros Dans son île on est fou comme on est musicien Sur Radio Jamaïque il a des copains Il fabrique sa musique et ça lui va bien Dominique de Villepin, tel Jospin, avait donc décidé de s'installer pour toujours sur une île, celle de la Réunion. Dès son arrivée, dans la pure tradition gaulliste, le Premier ministre, devant quelques réunionnais venus l'accueillir, rappela à tous la participation essentielle des départements d'outre-mer à l'économie de la métropole. Parce que Dominique n'oublie jamais qu'en France... Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. On pense encore à toi, au Guana. Dominique fut touché que certains respectent ainsi la tradition et puissent encore l'appeler Buana. Son intégration sur l'île, se dit-il, devrait être facile. Le lendemain matin, François Baroin, le ministre de l'Outre-mer, était très inquiet. En effet, Dominique de Villepin avait disparu de la case dans laquelle il aurait dû passer la nuit. Quand tout à coup, François Baroin aperçoit devant lui, là, juste à ses pieds, Dominique, allongé sur le sable. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Quelle heure il est ? 11h. T'as dormi là ? Tu n'as pas trouvé ta case ? Eh si, mais mon collègue, un mec qui ronfle. Au bout de 2 heures, j'en ai marre de siffler assis sur mon lit, je suis venu dormir là. Non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais attaqué par des bestioles. Oui, ils sont plutôt inoffensifs ici. Bah, tu pars, je vais te montrer mes bras, tiens, j'étais bouffé par les moustiques. Après ça, j'ai un lézard qui est rentré dans le sac. Je vais me faire rapatrier par Europe Assistance, moi ça va pas faire un pli, tu vas voir. T'en bats le poids, tu viens juste d'arriver. Mais je m'en bats le poids, je peux pas supporter le soleil, alors. Ce que j'aime, c'est les climats un peu humides, tu vois, la Normandie, l'heure. Tu vas pas rester là-dedans toute la journée. Va te tremper, t'as besoin d'un coup de fouet, t'es tout cyanosé. Eh oui, même si son acclimatation à la vie tropicale lui semble finalement plus difficile que prévu, Dominique ne cédera pas. Il sait désormais, tel Robinson, que son avenir est ici. En fin de matinée, cette plage ensoleillée de la Réunion lui rappelle la Baule. À la fin de l'été dernier, Dominique se souvient alors de la France. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. Emporté par la mélancolie du passé qui l'étreint, Dominique décide alors de s'enfoncer seul dans la jungle réunionnaise. Il y croise des oiseaux sublimes, la végétation semble dense mais prometteuse en fruits de la passion, l'Éden sur terre. Quand, tout à coup, derrière un bosquet de fougères arborescentes, Dominique aperçoit un homme étrange. Sûr de lui, le Premier ministre tente alors d'établir un contact. Qui m'aurait dit que je me serais lié d'amitié avec un sauvage? Le temps aidant, il pourrait même être délivré de ses pratiques païennes. C'était peut-être ma mission. Comment tu te nommes? Quel jour on est? Jeudi? Non, vendredi. Vendredi. Toi, vendredi. Moi, maître. Maître. Moi, maître. Toi, vendredi. Toi, maître. Moi, vendredi. Ça y est. Pour la première fois, Dominique vient de comprendre le bonheur d'une RTT. Il va mettre à profit son vendredi. Après quelques tentatives, les deux hommes parviennent enfin à établir un dialogue. Vendredi tente alors d'expliquer à Dominique les rudiments de la vie sur cette île encore un peu sauvage de l'outre-mer. Tu manges poisson, tu nages mieux. Tu manges lézard, tu grimpes mieux. Tu manges cœur, beaucoup de force. C'est un langage de païen blasphémateur que tu tiens là. Dominique s'enflamme et ne supporte plus d'entendre de telles sottises. Il décide plutôt d'aller faire une sieste à l'ombre des palmiers près de la plage. Et oui, Dominique a décidé désormais de profiter pleinement de sa nouvelle vie sous les tropiques. Cela dit, au moment même où il commence à roupiller, là encore, visiblement, il y a un souci pour Dominique. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. En un instant, Dominique de Villepin se pétrifie. Il vient de se souvenir de la raison officielle qui l'a conduit jusqu'à l'île de la Réunion. La crise catastrophique du chikungunya. Et vu comment son gouvernement a géré l'épidémie, Dominique se dit qu'il est sans doute en train de se faire contaminer comme un vulgaire quidam. Horreur! Il retourne alors précipitamment vers ses collaborateurs, à qui il dit que, bon, finalement... J'en ai assez de la gomme, il me faut le ciel brume. Sur l'île de la Réunion, l'entourage du Premier ministre a tremblé. Mais en parvenant à le ramener avec eux à Paris, ils viennent encore une fois d'éviter une catastrophe. Son délire tropical n'aura duré que quelques heures. Cela dit, dans l'avion qui le reconduit à Matignon, Dominique n'a pas renoncé à sa vie outre-mer. Mais la prochaine fois, il choisira les îles Kerguelen, car selon lui, ce sera plus tranquille. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Pour conclure, si Dominique choisit réellement l'exil, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Fort-de-France, qu'importe. S'il s'en va, soyons sûrs alors que les sarkozystes seront prêts à lui souhaiter tout le bonheur du monde. On souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin. on me souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, ton rêve à vivre jusqu'au bout, sur mon temps de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde, c'est ce que nous souhaitait en 2004 le groupe Sense-Emilia. Tout le bonheur du monde, c'est également ce que souhaite président Chirac à ses amis, comme par exemple Guy Drut, amnistié pour service rendu à la nation. Il n'y a pas à dire, président Chirac, c'est le meilleur entraîneur pour le saut d'obstacle. Et maintenant, à 11h43, il est grand temps de retrouver nos deux héros sous les tropiques, les ukulélés, Monique et Jean-Claude. Il y a quelques années, Monique et Jean-Claude, accompagnés de leur fille Elsa, ont passé une semaine magique sous le soleil de la Guadeloupe dans un club de vacances au bord de la mer. Monique, elle, est heureuse de cette petite semaine sous les tropiques. Son programme à Monique, il est tout trouvé. Elle va rester allongée sur la plage pour prendre du bon temps. À l'abri d'un coquillier, je dormirai sur le dos. À quoi sert de travailler quand il fait si beau? Tout le long de la journée, étant donné la chaleur, je n'aurai pour me baigner qu'un collier de fleurs. Monique, Jean-Claude et leur fille Elsa sont donc dans leur club de vacances en Guadeloupe. Il y a un peu de monde sur la plage privée et tous les transats sont occupés. Mais Jean-Claude dit à Monique qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Nous la gagnerons, mon amour, chaque jour notre place au soleil. Et nous la bâtirons d'amour, chaque jour notre place au soleil. Tout se passe donc pour le mieux dans ce club de vacances en Guadeloupe. Monique bronze en calculant savamment ses temps d'exposition sur le ventre puis sur le dos. Elsa, totale adolescente, fait bien entendu la tronche en écoutant Florent Pagny sur son lecteur MP3. Il n'y a pas à dire, c'est l'âge ingrat. Jean-Claude, lui, s'enfile des petits ponches au bar de la plage. Oui, tout se passe très bien, mais Monique a tout de même un petit regret. On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. Monique, on ne peut pas être complètement nu au soleil, il y a des gens. C'est alors que l'animateur du club organise une initiation à la biguine. Monique et Jean-Claude poussent leur fille Elsa à s'inscrire, c'est tout à fait le genre d'activité qu'il faut à une adolescente un peu introvertie. Elsa ne veut pas y aller. Quand soudain, un jeune garçon ténébreux s'approche de Jean-Claude. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille? Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Le jeune garçon, qui a à peu près l'âge d'Elsa, est un beau métis aux yeux verts. Elsa accepte alors de danser avec lui. Ils vont tous les deux sur la piste. Jean-Claude les surveille du coin de l'œil. Il trouve tout de même que ce garçon danse avec sa fille un peu trop. Expliquer. Oui, Jean-Claude trouve que sa fille danse un peu trop collé serré avec ce garçon. Mais bon, il ne dit rien, il ne veut pas gâcher les vacances. Jean-Claude, toujours accoudé au bar de la plage, demande au barman, Isaac, s'il connaît ce garçon. Isaac le connaît bien, c'est Toussaint, le nouveau plagiste qui vient juste d'être embauché. Car avant... La biguine endiablée entre Toussaint, le plagiste, et Elsa, la touriste, continue. Elsa sent bien l'ouverture avec Toussaint. D'ailleurs, elle ne laisse pas Toussaint indifférent et lui-même sent que l'attirance est réciproque. Alors, il lui fait une proposition. Toussaint dit à Elsa qu'ils pourraient aller tous les deux... Dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, joli, joli, joli. Jean-Claude, lui, est toujours au bar à s'enfiler des petits ponches avec son nouveau pote Isaac. Arrive alors un vendeur ambulant qui propose quelques objets d'artisanat guadeloupéen à Jean-Claude. C'est combien la statue là ? Le masque ? 30 000 francs. Combien ? 30 000 francs. Elle est bien, j'ai envie de la prendre. Attends, je vais te la marcher. Tu l'as fait à combien, la statue ? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir, là. Ça vaut 15 000 francs, ça ? Non, 30 000. 20 000 francs ? Non, 30 000. 25 000 ? Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Jean-Claude paye, content d'avoir fait une affaire, quand, soudain... Regardant vers la plage, il se rend compte que sa fille Elsa n'est plus là. Elle est partie avec Toussaint. Elsa, la fille Jean-Claude et Monique, est donc partie avec un garçon. Jean-Claude fonce voir Monique pour qu'elle vienne avec lui à la recherche d'Elsa. Mais Monique ne veut pas. Il n'y a rien de grave et puis elle est très bien là, allongée au soleil. En plus, Monique est en train d'écrire une carte postale à Christine, sa collègue de bureau. Si tu voyais les grands buffets, Christine, ça change de la cantine. Papaye et langoustine, que d'ailleurs personne ne termine. Regardez bien les filles sur la photo, la croix c'est mon bungalow. Que vous imaginez au bureau, moi j'ai les pieds dans l'eau. Jean-Claude part donc seul à la recherche d'Elsa et de Toussaint. Il cherche partout et demande si on n'a pas vu sa fille, mais personne ne peut l'aider. Il y a bien une vendeuse d'Accra qui dit avoir remarqué quelque chose d'insolite. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi ? Son petit, ici, ici, ici, oui, ici, tout petit, petit, petit, ici, qu'elle mettait pour la première fois. Elle ici, ici, ici, oui, ici, tout petit, petit, petit, ici, un bikini rouge et jaune à petit pois. Jean-Claude se dit qu'il ne s'agit certainement pas d'Elsa qui, elle, a déjà dû enlever son bikini alors qu'il est. Jean-Claude cherche partout, mais il ne trouve pas sa fille. Quand, soudain, il aperçoit Elsa tenant la main de Toussaint. Elle a l'air heureux, elle est topless, Toussaint a l'air. Jean-Claude comprend tout à coup que sa fille a grandi. Il s'approche d'elle, lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. » Et effectivement, Jean-Claude rentre seul retrouver Monique qui est toujours en train d'écrire ses cartes postales. Et oui, Elsa a un peu grandi en Guadeloupe. Fin de l'histoire, le voyage en Guadeloupe reste pour toute la famille, et plus encore pour Elsa, un souvenir merveilleux. Jean-Claude, lui, a rapporté de Guadeloupe une histoire merveilleuse que son ami Isaac, le barman, lui a racontée entre deux rhum coco. Eh ben mon vieux, il m'est arrivé une histoire invraisemblable, invraisemblable. Tenez, je vais vous raconter ça, vous allez voir. Un beau jour, je vais à la ville et j'arrive dans la grande rue. Il y avait des maisons si belles que des si belles, j'en avais jamais vu. Je passe devant une maison verte, ses volets étaient tous fermés, mais la porte était entrouverte. Alors évidemment, je suis entré. Y a rien d'aussi beau près de chez nous. Y a rien d'aussi beau dans le village à Madoudou. Ah bah ça alors, non alors. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Enfin, je vois un escalier de marbre recouvert d'un beau tapis bleu. La forêt où j'abats des arbres n'a jamais eu un ciel plus merveilleux. Je le monte et je vois une dame qui me dit « Entrez mon garçon, je me trouve dans une grande salle avec de l'or au mur et au plafond. Eh ben, y a rien d'aussi beau près de chez nous. Ah non alors, y a rien d'aussi doux dans le village à Madoudou. Eh ben mon vieux, c'était d'un luxueux. J'avais jamais vu un tout machin comme ça. Enfin, je continue. Dans la salle, il y a des belles femmes. Elles ne sont pas très habillées. Et ça me fait quelque chose à l'âme. Ça n'empêche pas qu'elles sont très distinguées. Il y en a une qui soudain se lève et qui se dirige vers moi. Ça a de plus en plus l'air d'un rêve. Et je la suis dans la jambe où elle va. Il n'y a rien d'aussi beau près de chez nous. Y a rien d'aussi doux dans le village à Madoudou. Moi je la suivais mais je ne savais pas du tout où elle m'emmenait. vous allez savoir, attendez, vous allez voir. Rigolo. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut me faire? Elle me dit, retire tes souliers. J'ai beau dire, elle me fait taire. Je me retrouve tout nu sur le plancher. Ah, oh là là, maman, quelle histoire. Je ne sais plus ce qui est arrivé. Mais je sais que 2 heures plus tard, tout mon argent, il s'était envolé. Eh ben, y a rien d'aussi cher près de chez nous. Ah ça, non alors. Y a rien d'aussi cher dans le village à Madoudou. Ah ça, alors, je peux vous dire que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi cher. Mais enfin, hein, je me suis vraiment bien amusé. Ça va me faire un souvenir. Oh, ya, ya. Enfin, je m'en vais. Au revoir, les enfants. Y a rien d'aussi beau. C'est ce que croit Henri Salvador en 1957 sur un album intitulé « Sous les tropiques ». Parce que, bien entendu, pour certains, le corps des vaïnés couvert de monoeil sous les tropiques, il n'y a rien d'aussi beau. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre périple dans les possessions outre-mer de la République. De Villepin et ses moustiques à Jean-Claude et ses tiponches, de Toussaint l'ouverture à Miss Tahiti et de Cayenne à Kourou, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peuvent être les territoires d'outre-mer de la zone intertropicale. Alors, c'est quoi l'outre-mer? Eh bien, c'est tout d'abord des départements français, mais aussi des régions qui repoussent loin du vieux continent les frontières de l'Union européenne. Par ailleurs, ces territoires ont des caractéristiques communes, comme le climat tropical ou l'insularité, sauf la Guyane bien sûr. Mais ces confettis d'empire ont également leur singularité. Par exemple, l'isolement de Tahiti contraste avec le dynamisme des Caraïbes. De même, l'immense Guyane s'oppose au minuscule rocher de Clipperton. Et puis, si les Antilles nous ont offert Marius Trésor et Lilian Thuram, on attend toujours que l'île de la Réunion donne naissance à un grand footballeur. Et oui, il y a des différences. Quoi qu'il en soit, le point commun de tous ces territoires, c'est bien entendu leur rattachement à la métropole qui passe par la nationalité française, sans oublier leur propre culture. Alors du coup, pour les Français d'outre-mer, c'est toujours un peu pareil. J'ai deux amours. Pour finir, la panique au Mangin Palace s'est rendue compte d'un truc. Quand tu es en vacances, en paréo sur une plage de sable fin, à l'ombre d'un cocotier, en train de siroter un punch à l'ananas, eh bien, les choses te paraissent toujours, comment dire, plus lointaines et différentes. Sous les tropiques,